Ouais, salut Margot. C'est la fonction affine f de x égale à x plus b. J'aimerais juste comprendre où en est notre relation. Hier, on s'est croisés dans un exercice, tu m'as à peine reconnue. Sympa. Après toutes les équations qu'on a résolues ensemble, c'est un petit peu dur à encaisser. Parce que les connaissances, ça s'oublie vite, Acadomia propose des stages de pré-rentrée en petits groupes de 4 élèves en moyenne pour un travail approfondi et personnalisé dans les matières principales. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Nous avions laissé Charles Darwin et le capitaine du Beagle, Robert Fitzroy, au large de l'Argentine en 1834, soit à peu près à mi-parcours de cette expédition qui va conduire à une révolution complète dans la compréhension de l'organisation et de l'évolution du vivant. Et comme il est tout à fait impensable de commencer un voyage sans le conclure, c'est à la fin de cette expédition et surtout à ses répercussions et au bouleversement épistémologique qui s'ensuit que nous allons nous intéresser aujourd'hui, du passage par les Galapagos jusqu'au retour en Angleterre et à la rédaction tardive de l'Origine des espèces, comment un voyage en bateau a changé la face du monde. Voyage du Beagle, suite et fin, c'est le programme évolutif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et puisque, comme le veut l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne, nous retrouvons nos deux narrateurs de l'épisode 1. Bonjour Michel Veuille. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes généticien des populations, directeur d'études honoraires à l'école pratique des hautes études. Et bonjour Patrick Thor. Bonjour. Vous êtes historien des sciences, directeur de l'Institut Charles Darwin International, auteur notamment de Darwin et la science de l'évolution qui vient d'être réédité chez Gallimard. Mais avant de poursuivre ce voyage, nous reprenons le fil de notre voyage quotidien à nous, le long cours, au long cours dans l'actualité des sciences et de la recherche. C'est avec Natacha Triou et c'est le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Nature et une expérience qui fait un pas de plus vers l'Internet quantique. Et pour la première fois, une équipe espagnole a réussi l'intrication de deux mémoires quantiques multimodes dans deux laboratoires différents à 10 mètres de distance. Alors des équipes ont déjà réussi des enchevêtrements quantiques distants, mais la nouveauté ici, c'est que les chercheurs ont atteint un record de taux d'enchevêtrement dans un système qui est compatible avec le réseau de communication actuel. L'étude décrit des photons qu'on appelle télécom, c'est-à-dire compatibles avec les fibres optiques télécom qu'on utilise tous les jours et qui vont, à distance, pouvoir indiquer que des mémoires quantiques ont été intriquées. Ce qui veut dire qu'elles sont prêtes pour faire de la téléportation quantique et pour aller, en théorie, sur de très longues distances. Cette étude, c'est un pas de plus vers des communications quantiques à l'échelle continentale. Nicolas Gizin est professeur au département de physique appliquée de l'Université de Genève. Alors la distance n'est pas encore très grande, mais le fait que ça soit des photons télécom, c'est-à-dire des photons compatibles avec les fibres optiques, ça ne serait pas un effort gigantesque d'aller sur, en tout cas, quelques dizaines de kilomètres, je suis sûr qu'ils sont capables de le faire, donc jusqu'à quelques dizaines de kilomètres. Et puis effectivement, ensuite, il y a ces mémoires quantiques. Alors, je dois quand même dire, il y a déjà eu des gens qui ont intriqué des mémoires quantiques. Bon, nous, entre autres, à Genève, mais on n'est pas les seuls. Là, il y a effectivement cet aspect donc télécom qui est très important. Et il y a aussi l'aspect multimode que vous avez évoqué. Parce que si on n'arrivait pas à multiplexer ces signaux quantiques, tout le système pourrait peut-être fonctionner, mais à un taux de répétition tellement lent que ça devient complètement inutilisable. Donc, on veut quand même quelque chose qui soit avec un taux de répétition à échelle humaine, qu'on peut exprimer en hertz, si vous voulez, en secondes. Et là, il faut cette capacité de multiplexage que, entre autres, ce groupe espagnol maîtrise bien. L'avantage principal de ce genre de mémoire quantique basée sur ces cristaux, c'est cet aspect de multimode, ce qui veut dire vraiment qu'on peut faire du multiplexage. Et cet aspect, le multiplexage, pour des raisons pratiques, si on veut aller vite ou relativement vite, est indispensable. Peut-être un dernier mot alors sur ces cristaux. Enfin, le cristal en lui-même, il est juste là pour piéger des ions de terre rare, Et ces ions, c'est comme des petits atomes, si vous voulez, qui sont piégés dans ce cristal. Ils sont comme gelés dans le cristal, ils ne peuvent pas bouger. Donc ce n'est pas comme un gaz où ça va bouger dans tous les sens. Et on voit bien qu'on ne va pas pouvoir garder l'information longtemps dans un gaz, parce que tout va diffuser, va bouger. Là, ils vont être comme gelés dans le cristal, ils ne vont pas bouger. En plus, ces cristaux sont refroidis à peu près 3 Kelvin, donc assez proche du zéro absolu. Donc ça veut aussi dire qu'il y a très peu de vibrations dans ces cristaux. Et donc on isole comme ça assez bien ces espèces d'atomes, ces ions, pour qu'on puisse garantir une mémoire qui va durer une fraction appréciable d'une seconde. Et l'étude de Nature, vous pouvez la retrouver via notre fil Twitter sur lequel nous postons, comme chaque jour, tous les liens nécessaires et suffisants. C'est sur le compte @laméthodefc. Et on passe au bref. La NASA a annoncé hier 2 nouvelles missions spatiales sur Vénus. 30 ans plus tard, la NASA retourne sur Vénus, la fausse jumelle de la Terre. L'objectif de ces missions sera de comprendre comment ces deux planètes ont divergé pour devenir si différentes. La première mission s'appelle Da Vinci Plus. Il s'agit d'une sonde qui sera parachutée dans l'épaisse atmosphère toxique pour en mesurer sa composition chimique. Nous saurons enfin s'il y a, oui ou non, du gaz phosphine dans les nuages vénusiens. Une mission un kamikaze puisque quelques minutes après son atterrissage, la sonde risque de fondre. La seconde mission est un orbiteur baptisé Veritas qui étudiera, lui, la géologie de la planète, sa surface et son éventuelle activité volcanique. Les lancements de Da Vinci Plus et Veritas sont prévus entre 2028 et 2030. Selon une étude parue hier dans la revue Plus One, une formation en écolocation aide durablement les personnes aveugles. L'écolocation, cela consiste à envoyer des sons pour identifier son environnement grâce à l'écho. C'est ce que font les chauves-souris ou les baleines, et c'est aussi le principe des cannes pour les personnes aveugles. Une équipe britannique a tenu pendant 10 semaines une session de formation en écolocation avec une vingtaine de participants aveugles âgés de 21 à 79 ans. 3 mois après cette formation, 83% des participants, quel que soit leur âge, ont déclaré une nette amélioration de leur qualité de vie. Facilité de déplacement, plus grande autonomie. Selon les auteurs, les formations à l'écolocation basées sur les clics est un soutien de réadaptation efficace qui devrait être généralisé pour ces patients. Et enfin, une étude parue dans SIS Omega décrit des tampons et des serviettes hygiéniques transformés en tests d'infection urinaire. L'idée est d'obtenir un diagnostic rapide et discret pour ces maladies souvent taboues et qui touchent près d'une femme sur deux dans le monde. Une équipe indienne a donc modifié des tampons et des serviettes hygiéniques. Les fibres de coton ont été imbibés dans un acide aminé qui réagit au contact d'une enzyme sécrétée par Candida albicans, responsable de ces infections. Le procédé est bon marché, il fonctionne, l'acide aminé change de couleur pour signaler la présence de l'agent pathogène, mais petit bémol, il produit une couleur rose, ce qui n'est pas très lisible sur du sang menstruel. L'équipe cherche donc un acide aminé capable de produire une couleur plus visible. Et merci beaucoup Natacha, à demain pour le journal des sciences et le journal de la science-fiction. La formation de Charles Darwin, son recrutement comme naturaliste à bord du Beagle pour le 2e voyage de ce navire avec aux commandes le jeune capitaine de la Royal Navy Robert Fitzroy, le départ de Plymouth, la première partie du voyage, le mal de mer épouvantable de Darwin, le choléra aux Canaries, l'arrivée au Brésil, tout cela nous l'avons traité dans la première émission consacrée à cette expédition. Écoutez plutôt précédemment dans la méthode scientifique. De cette expédition du HMS Beagle de 1831 à 1835, il y a profusion de documents. Il y a d'ailleurs un avant et un après Beagle, tant pour l'histoire des sciences que pour celle de Charles Darwin, parti jeune naturaliste et d'ailleurs plutôt jeune géologue que naturaliste, et revenu célèbre au sein de la communauté scientifique pour l'incroyable travail de recension effectué au cours de ce voyage. Et que le bateau est parti, il y a eu un mal de mer, ce qui fait que sur les 5 ans, heureusement, il n'est resté sur le bateau que 18 mois, passant 40 mois à terre, à chevaucher dans les pampas ou à monter sur les montagnes. Mais sinon, à chaque fois qu'il était sur le bateau, c'était une catastrophe. Une théorie explicative de la transformation des espèces par le moyen de la sélection naturelle, hein, parce que c'est quand même, ce n'est pas un détail chez Darwin, ce schéma fait intervenir d'une part le modèle de la sélection artificielle, d'abord la variation, tout commence par la variation, ensuite il y a la sélection naturelle. Darwin est quelqu'un qui a passé sa vie à dialoguer avec lui-même. Pendant ce voyage, même s'il a pris 2500 pages de notes en tout, en comptant les notes de biologie, il avait fait aussi 770 pages de notes de réflexion personnelle. Comment est-ce que ça se passe en fait concrètement, ce de descendre à terre et de partir comme ça? Racontez-nous, on a envie de savoir un peu concrètement. Et on a envie de savoir concrètement la suite de cette histoire, surtout si vous avez raté le premier épisode, on vous a posté le lien sur notre fil Twitter. On s'était arrêté, c'était au mois de mars dernier déjà, au large de l'Argentine en 1834, soit environ à la moitié du voyage. Et nous avons décidé collectivement avec mes deux intervenants du jour, Michel Veuille et Patrick Thor, qui étaient déjà intervenants pour la première émission, que plutôt que de poursuivre ce voyage de façon linéaire, étape par étape, il serait plus intéressant dans ce deuxième numéro de regarder la suite et la fin de cette expédition et le retour en Grande-Bretagne de façon plus panoramique et de résoudre la question suivante: comment cette expédition du Beagle a transformé Darwin en Darwin. Mais pour cela, messieurs, il faut tout de même bien s'arrêter sur quelques étapes très importantes. Peut-être la plus connue, la plus célèbre, c'est celle des Galapagos, mais pas uniquement. Michel Veuille, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie, en résumé, de ces étapes qui vont durablement influencer la vision encore fixiste et créationniste de Darwin à ce moment de sa vie en 1834, là où nous étions arrêtés? Alors, il y a deux grandes étapes dans cette dernière année, qui sont d'une part les Galapagos et d'autre part les récifs coralliens. Et ces deux étapes, il va les aborder en géologue. C'est paradoxal pour nous, qui savons évidemment l'intérêt qu'il va retirer sur le plan biologique, mais il les accueille en géologue. Pourquoi ? Parce qu'il est un disciple à 100% de Lyell, et pour Lyell, autant le temps est continu, les lois sont continues, l'uniformitarisme dit que les lois sont continues pour la géologie, autant Lyell croit encore en des centres de création, avec des créations séparées des animaux. Et en fait, Darwin, certes, va collecter énormément d'animaux et de plantes, mais ce qui l'intéresse d'abord aux Galapagos, c'est voir des volcans. Et il attend de voir des volcans en éruption. Il ne le verra pas, mais il faut bien dire que les Galapagos, sont quelque chose d'extraordinaire. Un mot, Patrick Thor, sur les Galapagos. L'exemple principalement cité dans les manuels scolaires, qui est vraiment exemplaire, c'est celui de l'exemple exemplaire. C'est pas très heureux comme formule. Bref, vous m'aurez compris. C'est celui des fameux pinsons, mais ce n'est pas finalement peut-être le plus intéressant d'ailleurs à examiner, ou en tout cas celui qui va marquer le plus Darwin. Alors, les Galapagos sont des îles volcaniques. Ce sont des formations géologiques récentes, relativement récentes à l'échelle des temps géologiques. Et ça interpelle évidemment Darwin pour une raison toute simple, c'est qu'il y a sur ces îles des représentants du monde animal, par exemple, qui semblent particuliers à ces îles. Et ce qui l'interroge, bien sûr, c'est de savoir comment interpréter cette création particulière qui se trouve sur ces îles. Alors, bien entendu, l'épisode des pinsons est un épisode parmi d'autres, mais il faut bien se souvenir du fait que Darwin ne s'en est pas terriblement occupé lorsqu'il était sur place. En réalité, bien sûr, il y a eu des collègues, il y a eu d'ailleurs des problèmes d'étiquetage, mais c'est au retour, c'est en mars 1837, si j'ai bonne mémoire, lorsqu'il va confier à John Gould, ornithologue, l'expertise des spécimens d'oiseaux rapportés sur le Beagle, que les choses vont devenir extrêmement intéressantes. Ça n'est pas insignifiant, les pinsons, quoique, et puis on dit justement, des commentateurs spécialisés comme Soloway, qui a fait d'ailleurs un excellent travail là-dessus, ça n'est pas important sur le moment, ça le devient après, aussi bien les oiseaux moqueurs que les pinsons eux-mêmes. Alors, de quoi s'agit-il véritablement? Eh bien, au milieu de tous ces animaux passionnants qu'il va croiser, hein, et je rappelle qu'il y a aussi des lézards, hein, je crois avoir parlé de l'Amblyrhynchus cristatus, c'est-à-dire de l'iguane marin. On en reparlera, on le réévoquera tout à l'heure, alors, Patrick Thor. Il y a d'autres animaux, etc., qui sont intéressants. Bon, mais alors, en ce qui concerne ces fameux pinsons, eh bien, on en dénombre, toute expertise est en fait 13 espèces, réparties en 4 groupes. Bon, je ne vais pas donner les choses dans leur plus grand détail, mais ce qui intéresse à ce moment-là, l'observation, c'est qu'il s'agit d'oiseaux, qui présentent d'ailleurs un dimorphisme sexuel classique, les mâles sont noirs, les femelles plutôt brunes, d'oiseaux qui vivent sur des îles différentes et qui présentent entre eux des ressemblances évidentes de morphologie. Ils ont tous à peu près la taille d'un moineau ou d'un pinson. Et à partir de cette ressemblance, on va un peu plus loin et on perçoit que l'essentiel de leur différence tient à la conformation du bec, et que ce bec peut aller d'un bec considérablement développé, un bec concasseur globuleux, hein, qui est celui du Geospiza magnirostris, hein, son nom indiquant effectivement qu'il a un bec de grande taille, jusqu'à, si on va à l'extrémité d'une sorte de chaîne qui voit les becs des espèces concernées diminuer, jusqu'à la Certidea olivacea, le Geospiza olive, hein, qui a un bec extrêmement effilé et qui n'a plus rien à voir avec l'énorme bec concasseur du Magnirostris ou même du Geospiza fortis. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut d'abord qu'ils n'ont pas le même régime alimentaire. Le bec concasseur est adapté à une alimentation faite de graines, alors que le bec effilé de la Certidea est adapté à la consommation de... La Certidea est carnivore. Elle mange des vermisseaux, hein, qui se trouvent dans les écorces des arbres, etc. Et cette espèce de gradation intéresse évidemment beaucoup Darwin, parce que à partir d'une souche qu'on va quand même déterminer comme étant continentale, c'est-à-dire en gros le nord de l'Amérique du Sud, hein, cette espèce qu'on imagine forcément originaire du continent va se diversifier d'une île à l'autre, en quelque sorte, et développer sur chaque île des différences anatomiques qui vont finir par créer de véritables barrières entre ce qui est en train de devenir des espèces. C'est-à-dire que, sans le savoir encore lorsqu'il est sur place, Darwin découvre ce que nous appellerions aujourd'hui, en termes plus modernes, une spéciation insulaire. Et ça, il le doit bien sûr à John Gould. On va y revenir, Patrick Thor. Je vous interromps parce que on va essayer vraiment de comprendre, hein, dans quelques minutes comment finalement tout le parcours, le trajet intellectuel de Darwin à son retour en Angleterre et jusqu'à la publication de ce qu'il appellera lui-même son livre maudit, L'origine des espèces, plus de 20 ans après. Michel Veuille, j'aimerais vous entendre parce que c'est intéressant. On a dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est qu'effectivement, et on l'avait d'ailleurs dit dans la première émission, Darwin ne vient pas tant en tant que naturaliste, il l'est évidemment, mais surtout en tant que géologue. Et l'autre étape importante que j'aimerais vous faire préciser ici avant de rentrer en Angleterre tous ensemble, c'est celle de la Polynésie et des îles Coco, où là le regard va être aussi de Darwin très important pour la suite de l'évolution finalement de sa pensée sur, là en l'occurrence, l'origine du monde. Alors là aussi, il faut revenir un petit peu sur notre culture ordinaire, si je puis dire. Et Darwin arrive sur les atolls alors qu'il y a déjà réfléchi pendant 4 ans. Il a déjà trouvé la solution. Lorsqu'il a quitté l'Angleterre, on lui a dit, voilà, Lyell, vous avez le livre de Lyell, il a une théorie sur l'origine des atolls, donc ces récifs qui sont à fleur d'eau dans le Pacifique et qui sont très dangereux pour les bateaux, et nous voudrions que vous le vérifiez. Alors, l'hypothèse de Lyell, c'est que ces récifs à fleur d'eau qui font des cercles sont le sommet de volcans, et qui se seraient arrêtés juste à ce niveau-là, et sur lesquels auraient poussé les coraux, qui, je vous rappelle, sont le squelette calcaire d'êtres vivants. Et Darwin, qui visite la cordillère des Andes et qui voit les volcans, dit « Mais c'est stupide, il n'existe pas de chaîne de montagne où tous les volcans s'arrêteraient à la même hauteur. » Or, c'est ça l'hypothèse de Lyell, c'est que ces volcans sous-marins se seraient tous arrêtés à la même hauteur. Ça n'a pas de sens. Alors, il va réinterpréter ça tellement bien et dans le sens des théories de Lyell que lorsque Darwin rentrera en Angleterre, Lyell supprimera le chapitre de son livre sur les récifs coralliens et le remplacera par le texte de Darwin. Alors, quelle est l'hypothèse de Darwin? Alors voilà, elle est basée sur le fait qu'il y a trois types de récifs coralliens dans le Pacifique, ou plutôt trois types d'îles dans le Pacifique. Il y a d'abord les volcans actifs qui forment des cônes sans aucun récif corallien autour, qui sont des volcans récents. Il y a des volcans plus âgés, où il y a encore un cône volcanique, et où il y a un récif de corail qui est d'abord frangeant, c'est-à-dire qui est sur la plage, et puis au fur et à mesure que le volcan descend, je commence à dire la suite, en fait, ce récif monte et commence à constituer un mur, une barrière, et qui ménage un lagon entre le corail et l'île. Et puis finalement, il y a les îles où le volcan a disparu, et où il ne reste que le mur de corail qui continue à monter puisqu'il est constitué d'êtres vivants qui continuent à vivre juste au ras de l'eau puisqu'en fait les coraux ont besoin d'être juste sous le niveau des vagues pour vivre. Alors, il interprétait ça dans le sens des théories de Lyell parce que les théories de Lyell disent qu'il y a subsidence, c'est-à-dire qu'en fait le fond des océans s'affaisse. Alors, pourquoi le volcan disparaît? C'est parce que à la fois le volcan est érodé et en même temps parce que il s'affaisse. Alors, il ne sait pas pourquoi il s'affaisse. Aujourd'hui, on le sait. C'est grâce à la dérive des continents. Hein. La technologie des plaques, si vous voulez. Mais à l'époque, disons, on sait simplement qu'il y a une subsidence. Alors, évidemment, cette théorie a été valable pendant longtemps. Aujourd'hui, il faudrait ajouter les trucs. Par exemple, nous savons qu'il y a, au dernier maximum glaciaire, il y a 22 000 ans seulement, le niveau des mers était 120 mètres plus bas. Donc, en fait, les récifs coralliens n'étaient pas au niveau de l'eau, c'était des cheminées, en quelque sorte. Mais, en fait, la théorie de Darwin est vraiment révolutionnaire. Elle va être, d'une certaine manière, la première démonstration expérimentale de la validité des théories de Lyell, selon lesquelles les lois géologiques du passé sont les mêmes que celles que nous observons aujourd'hui. Donc ça va être très important, et c'est ça qui va faire que, dès l'âge de 30 ans, Darwin sera élu à l'Académie des sciences d'Angleterre, qu'on appelle la Royal Society. Et c'est pour ça qu'il sera d'abord perçu comme géologue. C'est vraiment un grand coup, une magnifique démonstration. Et nous allons accompagner donc, voilà, ce Beagle. Donc ça, c'est sa théorie sur les coraux et elle a été dans tous les manuels pendant un bon siècle. Et nous allons accompagner, si vous le voulez bien, l'un et l'autre, ce Beagle jusqu'à bon port, retour en Angleterre pour essayer de comprendre, eh bien, après ces presque 5 années de voyage, comment on va passer du voyage à la théorie et comment Darwin va structurer petit à petit sa fameuse et essentielle origine des espèces. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et voilà, deuxième émission consacrée à l'expédition du Beagle et à la constitution de la théorie de l'évolution par Charles Darwin. Nous en parlons avec Michel Veuille et Patrick Thor. Je le disais tout à l'heure, hein, Patrick Thor, L'origine des espèces est un livre douloureux pour Darwin, un livre qu'il va avoir du mal à écrire, qu'il va écrire pendant des années. Il faut dire que, évidemment, quand Darwin part d'Angleterre et embarque sur le Beagle, il est créationniste et fixiste comme tout le monde l'est à son époque, peu ou prou. Comment on va finir petit à petit par se composer cette théorie de l'évolution darwinienne? Comment va-t-il finir par en accoucher dans la douleur plus de 20 ans après son retour? Bon, alors je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que Darwin, lorsqu'il revient de son voyage, revient chargé de 3 expériences majeures. Alors la première, on vient de le dire, c'est un choix qui d'ailleurs a été fait immédiatement après le départ du voyage, hein. C'est le choix de la géologie uniformitariste de Lyell, qui, je le rappelle, s'appelle sur le continent actualisme. Ce n'est pas Lyell qui l'a inventé, c'est beaucoup plus des gens comme von Hoff en Allemagne et Constant Prévost en France. Cette théorie, vous le savez, on la résume habituellement en disant simplement que tout ce que nous voyons, se dérouler sous nos yeux comme phénomène géologique, qu'il s'agisse de la force des marées, de l'usure, de l'érosion aérienne, subaérienne, ou bien du volcanisme, eh bien ce sont les mêmes causes qui agissent et qui modèlent la surface de l'écorce terrestre. Alors ça c'est le premier point, et sur ce fond uniformitariste, c'est-à-dire sur ce fond effectivement d'action continue, eh bien vont se greffer évidemment d'autres observations. La deuxième grande expérience, c'est la mise en évidence de ressemblances frappantes entre certains animaux éteints et certains animaux vivants à l'intérieur d'une même zone géographique. Alors, je crois que nous avons évoqué déjà ces ressemblances entre le Macrocaenia pataconica donc et le guanaco, entre le Toxodon platensis, c'est le capybara actuel, entre surtout les grands mammifères édentés du quaternaire que sont les Megatherium, Megalonyx, Celidotherium, Milodon, etc., et les paresseux actuels, etc., et entre le glyptodon et les tatous vivants que Darwin a pu voir sur la pampa. Alors, sur le plan vertical, hein, je dis vertical, en fait, c'est ce que j'appelle ailleurs l'ordre des successions, eh bien, il y a ces ressemblances. Mmh. J'insiste d'ores et déjà sur le terme de ressemblance, parce que c'est comme ça que Darwin va construire sa théorie. Sur l'axe vertical, sur l'axe des successions, il y a des ressemblances. Mais elles existent également, ces ressemblances, sur le plan horizontal de ce que nous nommons la zoogéographie. Par exemple, la fameuse ressemblance entre les mandous, enfin, je dirais plus volontiers, j'emploierai pour les auditeurs le terme d'autruche, même s'il est légèrement impropre. Les nandous, ce sont les autruches d'Amérique du Sud. Bon, eh bien, il y a un grand nandou qui est la Rhea americana, qui se trouve au nord de la Patagonie, et plus au sud, on va trouver un petit nandou, un nandou nain, qui est évidemment de taille plus réduite et qui possède de minuscules différences qui permettent de le distinguer de l'Area Americana. Et là, sans parler bien sûr des pinsons que nous avons déjà assez évoqués, eh bien nous avons un phénomène de ressemblance qu'il va falloir interpréter. Mmh. Ce qui est intéressant, Patrick Thore, pardon, je me permets de vous interrompre, c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on comprenne bien, c'est qu'à quel point Darwin lutte contre une doxa extrêmement puissante et lutte contre lui-même. Je le cite, il écrit « Je suis presque convaincu, contrairement à l'opinion que j'avais au début, que les espèces ne sont pas immuables, je me fais l'effet d'avouer un meurtre. » Oui, alors ça, c'est une citation couramment faite. Mais elle pèse son poids quand même. Il écrit ça dans une lettre à Hooker, qui est son ami, son conseiller en matière de botanique, et effectivement, il y a un conflit dans la psychologie de Darwin et dans sa trophée, hein. C'est qu'il est effectivement l'élève de Cambridge qui a étudié la théologie naturelle, les thèses de William Paley, on connaît tout ça très bien maintenant, laquelle théologie naturelle a une histoire européenne énorme dont je pourrais vous parler, mais je vous l'épargnerai. En fait, on risque de pas avoir assez de temps, surtout. Pour la théologie naturelle de manière très générale, tout ce qui est créé a été créé, bien entendu, par Dieu, et d'une manière harmonieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à s'étonner qu'un organisme soit adapté à son milieu, puisque la providence divine y a pourvu. Il n'y a donc pas d'organisme inadapté ou désavoué. Il n'y a pas d'organisme présentant une inadaptation majeure. Or, nous savons très bien que, justement, ce que va démontrer Darwin, c'est que les organismes sont en perpétuelle amélioration de leur adaptation au milieu, et que c'est à ce prix, et grâce à cela aussi, qu'il y a bel et bien une évolution. Si toutes les adaptations étaient parfaites, il n'y aurait pas d'évolution. Michel Veuille, j'aimerais vous entendre, s'il vous plaît, à ce propos, et sur la difficulté de Darwin, effectivement, à accepter, et peut-être le cheminement intellectuel. Je pense qu'il faudrait ajouter quelque chose. Je vous en prie. Oui, je pense qu'il faut ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que donc, effectivement, il est de fait un élève de Lyell, et dans le livre de Lyell, Les Principes de géologie, donc de 1831, qui ont été paru au moment où partait le bateau et dont il a reçu des livraisons en route, il y a tout un chapitre sur la marque. Parce que la théorie de la marque était extrêmement discutée dans le monde scientifique. Je rappelle, 1830, pardon, c'est aussi la fameuse le moment de la fameuse, du fameux débat à Paris entre Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier. Alors, dans ces principes de géologie, Lyell, en fait, éreinte, présente. Alors, c'est l'une des meilleures présentations, et un peu tendancieuse, des meilleures présentations de l'époque et discussions des théories de Lamarck. Il y consacre vraiment un très gros chapitre, et il l'éreinte en disant « Tout ça, ce sont des discussions, il n'y a aucune preuve derrière. » Et ça, ça met la barre très très haut pour notre Darwin. Alors, au début, Darwin, il avale ça très bien, mais lorsque lui-même sera convaincu de la transformation des espèces, en fait, il saura qu'il ne devra pas présenter sa thèse à moins d'avoir des arguments très très forts. Et c'est pour ça qu'à son retour de Londres, pendant des mois, en fait, il va ouvrir ses fameux cahiers, hein, le cahier de notes, et il va chercher la preuve, le mécanisme actuel, non pas un tableau général de l'évolution, comme avait fait Lamarck, mais le mécanisme actuel au sein des espèces qui fait que les espèces se modifient et qui va donc mettre en avant la théorie de la sélection naturelle. Autre citation, Michel Veuil, justement, qui vient appuyer votre propos, oui. Et je vous laisserai poursuivre juste après. Le ciel me préserve des sottes erreurs de Lamarck, donc c'est dire effectivement à quel point, là aussi, il y a une forme de résistance, hein, de sa tendance à la progression et des adaptations dues à la volonté des animaux, mais les conclusions auxquelles je suis amené ne diffèrent pas beaucoup des siennes. Je vous laisse commenter cette citation de Darwin. Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parce que là, je vous entends très bien. Coupure. Très bien, c'est parfait. Alors, en fait, donc je n'ai pas entendu entièrement la citation, mais en fait, il faut bien voir que Lamarck est considéré en Angleterre comme un diable français, en quelque sorte. Alors, en France, évidemment, dans les années 40, les théories de Lamarck auront été évincées pour un certain temps et les Français seront devenus positivistes, en quelque sorte. Donc, ils ne croiront qu'à l'expérience. Mais en Grande-Bretagne, en fait, Lamarck est un peu le représentant de l'irreligion des Français et l'esprit révolutionnaire des Français. Donc, il ne faut pas oublier qu'un grand nombre de professeurs d'université en Grande-Bretagne à l'époque étaient en même temps des gens qui avaient suivi une formation ecclésiastique. Hein. Il ne faut pas oublier que l'histoire naturelle étant considérée comme une sorte de preuve de l'existence de Dieu, la meilleure manière de faire des études d'histoire naturelle, à part la médecine, c'était de faire des études de théologie. Et en fait, un certain nombre de professeurs d'université étaient des révérends. Donc, en fait, il y avait une liaison très étroite. Alors, cet archaïsme, en quelque sorte, de la science anglaise permettra, au contraire, d'autant mieux à Darwin, présenter ses thèses au bout du compte. Mais, plus qu'en France, où finalement les théories de Lamarck auront déjà été repoussées, mais malgré tout, il a ce verrou à passer, ce verrou idéologique très très fort. Lamarck, c'est la révolution. Et on va voir qu'il y a un autre auteur qui va aider Darwin à faire sauter ce verrou idéologique, c'est Thomas Malthus, et on en parle dans un instant. Acrasia de L'Abattu à 16h35 sur France Culture et comme chaque jour en soutien à la scène musicale indépendante française. Et oui, la scène musicale indépendante française semble souvent en anglais, mais qui peut-on ? Nous parlons du voyage du Beagle et surtout de la fin de ce voyage du Beagle et de l'écriture et de la formalisation de l'origine des espèces de Charles Darwin. Nous en parlons avec Michel Veuille qui est généticien des populations, directeur d'études honoraires à l'école pratique des hautes études, et Patrick Thor qui est historien des sciences, directeur de l'Institut Charles Darwin International. On le disait juste avant la coupure musicale, Patrick Thor, la lecture de Malthus va aider, comme le disait très justement Michel Veuille, à faire sauter ce verrou idéologique du créationnisme. Pourquoi et comment Malthus influence Darwin? Alors, pour être précis, la lecture de l'essai sur le principe de population de Malthus par Darwin se fait en 1838, pour être précis, entre le 23 septembre et le 4 octobre 1838. C'est précis. C'est-à-dire alors qu'il a déjà entrepris, bien sûr, la mise en œuvre donc de la d'une part des expertises, d'autre part les premières publications vont commencer pour ce qui est de la zoologie du Beagle. Et qui paraîtra en 5 volumes, donc il y a une énorme documentation qui est en cours d'examen, et il est déjà, quant à lui, renseigné par Gould sur le fait que, eh bien, les fameux pinsons des Galapagos ne sont pas, comme il le pensait, des variétés, mais des espèces. Ce qui veut dire que, bien sûr, si on imagine le scénario d'une migration d'une espèce à partir du continent et d'une diversification suivant les îles, eh bien, ma foi, si on atteint le stade de l'espèce, c'est que des espèces ne sont pas fixes, tout simplement. Il revient donc, on est en 1838, il est déjà instruit du fait que les espèces se transforment, il ne faut pas l'oublier. Alors bien sûr, il a réagi aux causes possibles, et il raconte dans son autobiographie qu'un jour, pour se distraire, dit-il, alors ne prenez pas ça un instant au sérieux, pour se distraire, il a entrepris la lecture de l'essai sur l'origine des populations, l'évolution. L'essai sur sur le principe de population. L'essai sur le principe de population. Et qui n'est pas quelque chose de nouveau, puisque, bien entendu, la première édition date de 1798. Et lui, il va la lire dans la 6e édition. Donc, il y cherche quelque chose. Il y cherche quelque chose, et s'il dit plus tard que c'est pour se distraire, c'est parce que, aux yeux de ses enfants, pour qui il rédige l'autobiographie, il ne veut pas passer pour un malthusien, et je pourrais vous expliquer pourquoi, parce qu'effectivement, il y a un désaveu de Malthus dans l'affiliation de l'homme de 1871. Bien. Alors, il lit Malthus, et il va y trouver effectivement un schéma qui permet de précipiter, au sens chimique du terme, sa théorie. Ce qu'explique Malthus, bien entendu, tout le monde le sait, c'est que, selon lui, les ressources alimentaires croissent d'une manière arithmétique, alors que la croissance de la population est une croissance géométrique. Ça veut dire qu'il y a une formidable distorsion et que, bien entendu, il n'y aura très vite plus assez de ressources pour l'humanité, etc., puisque lui parle de l'humanité. Il transpose, Darwin, cette théorie dans le champ naturaliste, c'est-à-dire dans l'univers des plantes et des animaux. Et il est, bien entendu, instruit du fait que chaque espèce possède un taux de reproduction finalement assez rapide, et même si on prend les animaux les plus lents à se reproduire, comme les éléphants, il est aisé d'imaginer que sur un territoire limité, quant à ses dimensions et à ses ressources, ce couple d'éléphants ne tardera pas à couvrir de toute sa progéniture l'ensemble du territoire concerné. Or, il y a une chose à laquelle il faut réfléchir, c'est où voyons-nous à la surface de la Terre un endroit d'une certaine dimension, peuplée uniquement des représentants d'une seule espèce. Cela n'existe pas. Il y a toujours une pluralité d'espèces qui entretiennent entre différents types de relations, et par conséquent, il faut qu'il y ait un facteur de limitation, de régulation, qui intervienne pour que chacune de ces espèces trouve finalement sa place à l'intérieur de n'importe lequel de ses territoires. Et là, il a le principe éliminatoire qui va lui permettre de construire sa théorie de la sélection naturelle. Tout commence donc, comme je le dis, par la variation. La variation, que prouve-t-elle? Et là, je reprends un de mes plus vieux schémas explicatifs de la théorie darwinienne. Ce que prouve la variation, c'est d'abord la variabilité, la capacité de varier chez les organismes naturels. Hein. Là, on est dans l'élément bien connu de la sélection artificielle. Un éleveur ne travaille pas à partir de rien, il travaille avec des organismes dont il sait qu'ils sont variables. Il va retenir certaines variations. Mais comme ces organismes sont des organismes naturels, restent des organismes naturels, eh bien, il y a une naturalité de la capacité de varier, et par conséquent, cette variabilité naturelle est une propriété fondamentale du vivant. Michel, je vous interromps, pardon, Patrick Thor, je me permets de vous interrompre pour passer un peu la parole et le relais à Michel Veuille. Vous pensez également que vraiment le déverrouillage intellectuel chez Darwin se fait grâce à Malthus, mais pas uniquement. Michel Veuille, vous évoquiez une autre personne dont on parle moins, ou en tout cas, qui est moins connu dans le parcours de Darwin, c'est un autre jeune naturaliste qui s'appelle Alcide d'Orbigny. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est cette personne et comment elle contribue d'une certaine manière à aider Darwin à formaliser sa théorie? Non, en fait, je vous ai parlé effectivement d'Alcide d'Orbigny, mais sur un autre registre. Ah, alors autant pour moi. J'ai deux remarques à faire sur le malthusianisme et sur un mot qu'on n'a pas encore utilisé, c'est celui de lutte pour l'existence. Pour comprendre la théorie darwinienne de la sélection naturelle, il faut distinguer trois instances. La première, c'est la lutte pour l'existence. Le principe de lutte pour l'existence, c'est le fait que dans toute espèce, le potentiel reproductif est supérieur à ce qu'il faut pour reproduire l'espèce. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'une espèce se maintienne, il faut que, disons, chaque couple donne naissance à deux descendants à la génération suivante. Or, ils ont le potentiel de donner naissance à beaucoup plus de descendants. Par exemple, si vous mangez une femelle de poisson, vous verrez que elle produit un nombre d'ovocytes considérable, des milliers d'ovocytes, c'est-à-dire qu'elle a un potentiel de reproductif très considérable et que seulement deux de ces ovocytes vont donner des descendants à la génération suivante en moyenne. Ça, c'est le principe de lutte pour l'existence. Et il est nécessaire qu'il y ait un excès reproductif, sinon il ne peut pas y avoir de tri par la sélection naturelle. Donc, le deuxième principe, après la sélection, la lutte pour l'existence, c'est le principe de variation. Il faut que les individus varient entre eux et qu'ils varient notamment pour les caractères adaptatifs. Ensuite, troisième instance, donc le fait que certains soient mieux équipés que d'autres pour la survie. Et ces trois éléments ensemble, lutte pour l'existence ou excès reproductif, si vous voulez, variation héritable et différence d'adaptation, les trois ensemble engendrent ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et c'est comme ça, si je puis dire, qu'on l'explique aujourd'hui dans les cours de biologie évolutive. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc Malthus intervient, le malthusianisme intervient pour l'un des concepts. Donc effectivement, c'est un concept qui n'est pas darwinien, il est malthusien. Et d'ailleurs, il faudrait rappeler qu'il est encore plus ancien que Malthus, parce que Linné le citait déjà dans son Économie de la nature. L'exemple des éléphants, en fait, il est issu de Linné. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport à ce que me disait très bien Patrick Thor, l'understatement de Darwin. En fait, il fait comme s'il avait lu Malthus par hasard. Mais pas du tout. Il vivait dans un milieu familial, notamment lors de son retour à Londres, où on parlait sans cesse de Malthus. Il ne faut pas oublier que les fameuses lois sur les pauvres ont été réformées pendant le voyage du Beagle. Et c'est le moment où il y a changement politique, où il y a opposition politique entre deux écoles en Grande-Bretagne. D'une part, les conservateurs classiques qui disent que les pauvres, il faut simplement leur apporter la charité. Et puis les réformateurs, donc qui sont non seulement malthusiens, mais qui sont aussi anti-esclavagistes, n'oublions pas, pour lesquels il faut que l'économie obéisse aux lois de la nature. Et donc, ce sont les réformateurs, les progressistes, à laquelle participe la famille de Darwin. Alors, lors de son retour à Londres, Darwin, en fait, a été hébergé notamment chez son frère. Et toutes les semaines chez son frère, il y avait des discussions politiques où son frère invitait, donc il s'appelait Erasme, comme le grand-père, invitait les grands de ce monde en quelque sorte, et notamment la petite amie de son frère, qui s'appelait Harriet Martineau, qui était une élève de Malthus, qui avait écrit des romans malthusiens. En quelques mots, Michel Veuille, parce que le temps tourne et on a encore un petit reportage à expliquer. J'aimerais qu'on arrive à l'origine des espèces. J'en dis trop, oui. Non, mais c'est passionnant, mais malheureusement, il nous reste plus qu'un quart d'heure, donc je vous en prie. C'était juste pour dire qu'il baignait vraiment dans un milieu malthusien. Justement, alors arrivons, on est obligé d'accélérer un peu parce que vous êtes tous les deux absolument passionnants, mais malheureusement le temps nous est compté. L'origine des espèces est publiée en 1859. Encore une fois, Darwin en parle comme de son livre maudit. On va se rendre d'ailleurs pour le reportage du jour avec vous, Éléonore Pérez, parce que vous avez tenté d'analyser de manière un peu singulière justement cette origine des espèces pour voir eh bien, comment Darwin réussit à formaliser cette théorie de l'évolution. Bonjour Éléonore. Bonjour Nicolas. Oui, j'ai rencontré Jean-Nicolas Wolff qui travaille sur la génomique évolutive des poissons à l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon. Ensemble, nous avons analysé l'unique image présente dans l'origine des espèces pour essayer de comprendre précisément la théorie de Darwin. Jean-Nicolas Wolff nous explique en quoi les connaissances et les travaux sur l'adaptation et l'évolution des espèces ont bien changé depuis la parution du livre en 1859. On observe un arbre phylogénétique, donc on observe ce qu'on appelle des nœuds, c'est-à-dire des embranchements, où on a à partir d'une espèce préexistante plusieurs autres espèces qui vont apparaître. Donc ça représente le développement morphologique, donc c'est ce qu'il y a sur la largeur, et en fonction du temps, les ancêtres sont en bas et les espèces dérivées sont vers le haut. Donc cette figure représente la vision de Darwin de l'évolution et de la formation des espèces et qui explique l'hypothèse du gradualisme, c'est-à-dire que pendant l'évolution, les espèces vont évoluer et être formées par des événements progressifs, des événements graduels qui vont arriver à un rythme relativement constant. Si on peut prendre un exemple simpliste avec un tigre, un ancêtre du tigre qui n'avait pas de rayures, des individus vont apparaître avec une ou deux rayures, ce qui va leur permettre de mieux se camoufler pour pouvoir épier et manger leur proie. Ils vont mieux se nourrir, mieux se reproduire. Donc les tigres avec une ou deux rayures vont supplanter les ancêtres des tigres sans rayures. Et ensuite, on aura des individus qui vont apparaître avec 3 à 4 rayures et qui prendront la place des tigres avec une ou deux rayures. Est-ce que cette théorie est toujours d'actualité dans la communauté scientifique ? Cette théorie est d'actualité puisqu'il y a certaines analyses de chroniques fossiles qui montrent qu'en fait que certaines espèces ont évolué sur ce mode. Néanmoins, il y a des scénarios alternatifs qui ont été proposés, dont l'un d'eux qui a été proposé par Eldredge et Gould en 1972. Ce sont les équilibres ponctués qui postulent que l'évolution et la formation des espèces en fait procèdent par un autre mécanisme qui est une alternance de stases, c'est-à-dire des phases où il ne se passe rien du tout, et des événements plus brutaux qui sont associés à la formation d'espèces. Pour revenir peut-être sur l'exemple avec le tigre de tout à l'heure, donc les équilibres ponctués seraient à partir d'un tigre qui n'avait pas de rayures, on aurait eu un tigre directement qui serait apparu avec beaucoup de rayures. Il y a également des évidences venant des chroniques fossiles qui indiquent que certaines espèces ont évolué par ce mode. Néanmoins, l'absence de forme intermédiaire peut soit indiquer un équilibre ponctué, soit du gradualisme, mais avec des fossiles qui manquent. D'accord, donc aujourd'hui, au final, on est un petit peu entre les deux. Donc effectivement, les deux modèles sont beaucoup discutés, les deux modèles ne sont pas mutuellement exclusifs. L'utilisation d'un mode d'évolution par rapport à l'autre peut dépendre de différents caractères, comme par exemple l'évolution de l'environnement. Si un environnement ou les conditions de l'environnement vont évoluer de manière graduelle et progressive, on peut très bien avoir une évolution aussi des individus ou des espèces de manière progressive, donc selon un monde de gradualisme. Et si l'environnement évolue peu et d'un seul coup est soumis à une évolution brutale, on va avoir un mode d'évolution qui va être plutôt de type des équilibres ponctués. Darwin, c'est surtout basé donc sur l'observation morphologique d'animaux, de fossiles, etc. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à l'évolution du génome en lui-même. En quoi est-ce que c'est intéressant ? Donc le génome, c'est l'ensemble de l'information génétique d'un individu, d'une espèce. Ce qui est intéressant, c'est de séquencer l'ADN des individus, d'identifier les différences entre plusieurs espèces, qu'on appelle une approche de génomique comparative. Et ensuite, ça nous permet d'identifier les mutations qui sont associées aux événements d'adaptation et aux événements de formation d'espèces. On peut également regarder le mode d'évolution des génomes et de voir si ce qu'on observe au niveau des organismes colle avec ce qu'on voit dans le génome. La stase n'existe pas ou les stases n'existent pas dans les génomes ne sont pas inertes, donc subissent toujours des mutations. Mais dans certains cas, on peut avoir ce qu'on appelle une horloge moléculaire, c'est-à-dire qu'il y a des mutations qui apparaissent à une fréquence déterminée. Donc là, on est plus proche peut-être du gradualisme. Et on peut avoir dans certains cas les mutations, un taux de mutation qui va augmenter très fortement. Et là, on serait peut-être plus proche des déséquilibres ponctués. Et parfois, de manière étonnante, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément coïncidence entre ce qu'on voit au niveau de l'évolution des caractères observables et ce qui se passe dans le génome. Vous vous intéressez plus particulièrement aux éléments transposables. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça nous apprend ? Donc les éléments transposables sont des constituants de l'ADN, du génome, donc de notre ADN aussi. Ce sont des séquences qui sont répétées, ce sont des séquences qui sont mobiles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de changer de position dans les génomes. Ce sont des constituants qui sont très importants au niveau quantitatif, donc qui sont retrouvés dans toutes les espèces d'organismes vivants dans lesquels on les a recherchés. Dans le génome humain, on a entre 50 et 70% de notre ADN qui est constitué d'éléments transposables, alors que les gènes qui codent pour des protéines ne représentent que 2 à 3%. Ils viennent d'où ces éléments transposables ? Donc il y en a certains qui sont transmis de génération en génération, il y en a d'autres qui peuvent être dérivés de virus, ils peuvent être transmis d'une espèce à l'autre, donc ce sont des éléments qui sont également très mobiles, non seulement à l'intérieur d'une espèce, mais qui peuvent être transmis d'une espèce à l'autre. Et ils sont considérés en grande majorité comme des parasites de génome, comme les puces sur un chien. Il peut avoir aussi des effets négatifs, comme ils sont capables de bouger dans les génomes, ils sont capables de casser des gènes, donc de générer des maladies génétiques. Et nous, l'hypothèse qu'on a fait, que d'autres équipes ont également fait, c'est que ces éléments transposables pourraient avoir un rôle évolutif important, donc à la fois sur l'adaptation des organismes et sur la formation des espèces. Donc ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est par exemple que les éléments transposables, qui sont, je le répète, considérés comme de l'ADN parasite, peuvent donner naissance à des gènes qui ont des fonctions importantes dans ce qu'on appelle des transitions évolutives, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux groupes d'organismes. On a mis en évidence en particulier une famille de gènes dérivés d'éléments transposables qui jouent un rôle dans l'évolution et le développement du cerveau des vertébrés, donc quelque chose qui est important dans l'émergence des vertébrés. On a montré aussi que les éléments transposables peuvent changer l'expression des gènes, c'est-à-dire qu'ils servent de taxi pour des séquences qu'on appelle régulatrices, qui peuvent modifier l'activation des gènes et qui peuvent faire que certains gènes sont activés dans une espèce et ne sont pas dans l'autre. Quand on analyse les génomes de différentes espèces, on se rend compte qu'il y a des dizaines, voire parfois des centaines de milliers de différences de séquences. Et le problème est de savoir celles qui ont des conséquences fonctionnelles et celles qui sont neutres et qui ne jouent pas un grand rôle. Donc ce que j'aimerais bien faire, mais c'est difficilement réalisable, c'est de réussir à analyser au niveau individuel toutes ces différences entre deux espèces et de réussir à savoir lesquelles ont vraiment joué un rôle dans l'adaptation, dans la formation des espèces, et de retracer également leur ordre d'apparition et le lien avec les conditions de l'environnement dans lesquelles ces espèces ont évolué. Voilà le reportage du jour d'Éléonore Pérez. Peut-être une réaction en quelques mots rapidement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Michel Veuille. Oui, alors ce que je retiendrai, quelle que soit la taille de l'ADN des différentes espèces, en fait, il y a une grande partie de l'ADN qui sert à rien, mais finalement, le nombre de gènes qui existent dans les différentes espèces est à peu près le même. Chez le ver nématode, il y a à peu près 20 000 gènes, comme chez l'homme. Il semble qu'il y ait une limite supérieure au nombre de gènes qui puissent être maintenus par sélection naturelle, parce que au-delà, en fait, le coût de l'évolution, en termes d'excès reproductif, est beaucoup trop important. Donc c'est peut-être un peu humiliant, mais nous avons autant de gènes à peu près que le ver nématode ou la drosophile. Ça n'a rien d'humiliant. Moi, je suis tout à fait content d'avoir le même nombre de gènes qu'un ver nématode et non pas le même nombre de vers. C'est une autre problématique. Aussi, mais il y a des gens que ça humilie. Patrick Thor, un mot, une réaction, et puis peut-être pour conclure, puisqu'il nous reste 5 minutes, donc de manière relativement brève, puisque j'aimerais vous entendre tous les deux sur donc la bascule, l'origine des espèces et d'une certaine manière, pérennité, la réception de cette théorie au moment de sa publication, puisqu'on sait qu'il y aura un procès. On n'a pas vraiment le temps de rentrer dans ce détail-là, mais j'aimerais vous entendre sur la pérennité de cette pensée, finalement. Oui, alors un mot seulement pour réagir, comme vous me demandez. Je voudrais simplement dire que la théorie des équilibres ponctués, en fait, contrairement à ce que l'on pense habituellement, n'a pas été totalement inventée par Gould Eldredge. Elle se trouve dans un minuscule paragraphe de l'origine des espèces à titre d'hypothèse. Et c'est très exactement cette hypothèse qu'articule Darwin de possibilité de succession de périodes d'accélération évolutive et de périodes de stase. Donc c'est je ne peux pas vous dire de mémoire, je cite ce paragraphe de Darwin dans le que sais-je que j'ai fait sur Darwin, c'est Universitaire de France, pour les gens qui voudraient retrouver ça, mais c'est quand même très intéressant. Et on vous mettra les références sur notre fil Twitter. Sur la pérennité, sur la postérité de l'origine des espèces et sur le choc paradigmatique qui s'ensuit. Bah, écoutez, moi je pense que si on veut vraiment avoir un aperçu très général, et pour conclure un peu sur tout ce que nous n'avons fait qu'esquisser aujourd'hui, je n'ai pas pu développer totalement la logique de la constitution de la théorie de la sélection naturelle tout à l'heure, et je comprends tout à fait les raisons de cela, mais très globalement, on a une théorie qui s'oppose à toutes les croyances dominantes de l'époque. On a une théorie qui va devoir se battre pour exister, donc elle aura aussi l'expérience de la lutte pour l'existence. Et pour ce qui est de Darwin, évidemment, il aura l'occasion d'en parler beaucoup plus tard, notamment dans son autobiographie. Et ce qui en ressort, c'est qu'il va y avoir une pensée nouvelle. Et cette pensée nouvelle n'est pas nouvelle dans la mesure où elle serait inventée de toutes pièces à ce moment-là, c'est le matérialisme. Le chaînon qui manquait au matérialisme est apporté par Darwin. Il est apporté au niveau ontologique, c'est-à-dire que d'un univers conçu comme parfait, avec des adaptations parfaites et avec une harmonie générale présidente à la conception globale du monde et de l'univers, eh bien, il substitue ce que j'appelle une ontologie de l'imparfait, c'est-à-dire un matérialisme conscient de la réalité des processus et du lien entre la nécessité de ces processus et le fait majeur de l'évolution. S'il y a évolution, c'est que les adaptations ne sont pas parfaites et que donc rien de ce qui est prétendument parfait dans le dogme théologique n'a d'application véritable dans la sphère naturelle. Michel Veuille, pour conclure. Oui. Alors, c'est pour ça que je voulais vous parler d'Alcide d'Orbigny pour mettre en perspective l'apport de Darwin. Au moment où Darwin parcourt l'Amérique du Sud, un autre grand naturaliste, un très grand naturaliste français du muséum, Alcide d'Orbigny, est également un grand réformateur de la géologie, peut-être l'un des plus grands géologues du 19e siècle, fait énormément de récoltes d'animaux et de plantes en Amérique du Sud, et en fait, il a à peu près le même âge, et c'est lui qui aura la priorité sur beaucoup de découvertes de Darwin. Par exemple, le fameux Nandou de Darwin ne s'appelle pas Rhea Darwini, comme le prétend Darwin dans son livre, mais il s'appelle Rhea Pennata d'Orbigny 1835. Mais alors, qu'est-ce qui fait que Darwin nous a apporté quelque chose? Si aujourd'hui le livre de voyage de Darwin est mieux connu que celui d'Alcide d'Orbigny, qui est pourtant un livre extraordinaire que je vous recommande, eh bien c'est parce que il y a résonance entre la société et la théorie de Darwin, et que ce que Darwin a apporté de plus, c'est la théorie de l'évolution. En fait, et la théorie de l'évolution a eu un accueil considérable dans la société de la fin du 19e siècle en Grande-Bretagne, ce que n'avait pas les apports de l'Alcide d'Orbigny, qui était un disciple de Cuvier, qui lui était catastrophiste, qui était d'une certaine manière fixiste en quelque sorte. Et pourtant, c'est grâce à l'Alcide d'Orbigny que pendant le XXe siècle, grâce à sa découverte des foraminifères, qu'on a pu chercher du pétrole pendant le XXe siècle, et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut comprendre les changements climatiques passés. Et je dois vous interrompre, malheureusement, messieurs, merci infiniment pour ces deux émissions. Je pense que nos auditrices et nos auditeurs auront compris qu'on pourrait en faire 3, 4, peut-être même 10, tellement vous êtes passionnants l'un et l'autre à écouter. Si vous voulez en savoir plus, bien, on vous renvoie notamment à la grande bibliographie de Patrick Thor autour de Darwin. Vous venez de citer le que sais-je, la réédition récemment de Darwin et la science de l'évolution, la zoologie du voyage du HMS Beagle et tant d'autres, dont on vous met les liens sur notre notre fil Twitter. Merci beaucoup, Michel Veuillet, Patrick Thore, d'avoir été d'excellents interlocuteurs sur cette question et sur ce passionnant voyage. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Éléonore Pérez, Eve Etienne, Céline Lezen, Dominique Guette Saint-Villefranc, Natacha Trio, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Hélène Trigueros à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Et demain, c'est un vendredi fiction. Après nous être demandé il y a un peu plus d'un an à ce micro depuis le festival de Gérardmer pourquoi le cinéma français était si fâché avec la science-fiction, voilà que sortent coup sur coup trois films de SF tricolores, l'occasion de se redemander en compagnie des réalisateurs si c'est bel et bien le retour de la France-fiction. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.